Depuis une semaine, les gens, tout le Québec, tout le Canada en fait, et même le monde entier, ça commémore un petit peu ce qui s'est passé à Rumble. C'est vraiment incroyable comme tragédie. Et depuis une semaine, qu'est-ce qui s'est passé depuis? J'imagine que la poussière commence à retomber. On parle avec Nicolas Rossi du journal L'Eau Vive. C'est un journal francophone en Saskatchewan. Bon midi, Nicolas. Bon matin pour toi. Bon matin. Oui, Nicolas, depuis une semaine, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben écoutez, on voit vraiment que la poussière tombe graduellement. Chez, dans les édifices, par ailleurs, autant cette semaine, les drapeaux étaient en berne et maintenant on commençait à monter. Donc on voit que la poussière tombe graduellement. OK. Donc, j'imagine, bon, là, les funérailles, ce qu'on a appris ce matin, c'est que les funérailles sont commencées. D'ailleurs, hier avait lieu les funérailles du commentateur de la radio de Humble, Tyler Bieber. Et là, aujourd'hui, ça va se poursuivre, c'est ça? Ouais, il y a quelques funérailles qui auront lieu aujourd'hui. Je pense qu'il y a deux joueurs, demain aussi. Mais en tant que journaliste, on tente de respecter un peu les endeuillés, les familles. Donc, on ne va pas s'immiscer dans ces funérailles-là. Pour ce qui est du hockey, où les séries reprennent demain, je tiens à vous le dire. Samedi, c'est la finale qui va opposer Natipin à l'équipe de Esteven, je pense. Donc, ils ont décidé, la Ligue a décidé d'entreprendre, de continuer les séries là. Ben effectivement. Est-ce qu'on avait pensé à des funérailles communes? Non, ils n'ont pas pensé à ça pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles à cet égard. OK, parce que j'imagine que là, ben, c'est parce que c'est pour ça, j'imagine qu'on va y aller avec des funérailles privées. Mon collaborateur de Journal du Québec me disait, imagine-toi une petite communauté organiser des funérailles avec 16 décès. C'est une petite ville dans le fond, là. Oui, Ambod, c'est 6 000 habitants seulement. Moi, j'ai assisté à la vigile qui avait été Oui. organisée. Écoutez, c'était vraiment, j'ai été à titre personnel, mais aussi à titre de journaliste. Donc, j'ai été, et on voyait d'ailleurs, je me suis aperçu d'ailleurs dans l'organisation qui voulait un peu écarter les journalistes des familles endeuillées. T'sais, on voyait il y avait une organisation qui a été faite à cet égard-là. Toutefois, on voyait dans cet événement-là, on sentait la pression, on sentait cette tristesse, cette douleur. Il y avait le double de la population, presque le double de la population de Humbod. Vous pouvez imaginer, donc, si on organise des funérailles communes, ça risque d'être assez gros, merci. Ben oui, effectivement. Hey, dites-moi, il y avait une erreur du coroner cette semaine. Oui. Xavier Labelle, finalement, C'est incroyable. mais ce qui est le pire, c'est que je suis allé sur le profil de Facebook de Xavier Labelle et on le met quasiment comme on le met décédé en souvenir de Xavier Labelle. C'est assez incroyable, là. C'est incroyable. Vous pouvez imaginer les montagnes russes d'émotions qu'une famille de Labelle a pu vivre. Autant ils pleuraient la mort de leur fils et soudainement on leur annonce 24 heures plus tard que leur fils est vivant. Là, c'est des pleurs de peine, de douleur qui se transforment en pleurs de joie. C'est incroyable la montagne russe d'émotions qu'on peut vivre. Donc là, nous, on va sûrement les contacter cette semaine. Je les respecte, mais on va sûrement s'en parler là. Nous, puis la famille Labelle. Ben, regarde, je suis sur le Facebook de Xavier Labelle actuellement, puis on met en souvenir de Xavier Labelle. Le pire, c'est qu'il est même pas, semble-t-il, qu'il n'est pas décédé. C'est Non, du tout. Il assez est vivant. Il est particulier, là. vivant. Et aux dernières échos, aux dernières nouvelles, je me suis renseigné un peu. Il parlait, il communiquait bien avec sa famille. Il est toujours alité. Toutefois, sa santé se porte bien. Donc, voilà, il n'est pas mort. Il est bel et bien vivant. OK. Les blessés, est-ce que vous avez des nouvelles comment est l'état des blessés des autres maintenant? Non, du tout, Non, du tout. Je sais OK. qu'il y en a trois qui sont en état critique, toutefois. Encore? On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont laisser leur vie, peut-être. On verra. OK. Dites-moi, du côté des Broncos d'Humble, est-ce qu'on a une idée de comment qu'on va rebâtir l'équipe? Je ne sais pas. OK. Vraiment, c'est une voie à explorer. Côté sportif, là, c'est une voie à explorer. Je pense qu'ils vont rebâtir avec des joueurs des ligues inférieures, je pense. Ben oui, puis un repêchage spécial, j'imagine aussi, Tout là. à fait, tout La à Ligue va fait. les aider, là. Ben, Nicolas Rossi, un gros merci. Je vais peut-être vous tenir on va peut-être se rappeler d'ici quelques semaines pour avoir des nouvelles des Broncos, comment qu'on va rebâtir ça. Ouais, ce serait pas bête, appelez-moi. Ça Oui, me ferait donc. plaisir de parler à Dan Sport. Ben, merci beaucoup, puis on se reparle bientôt. OK, au plaisir. Bye-bye. Nicolas Rossi du journal L'Eau Vive, un journal francophone en Saskatchewan.